les amis. Quoi? Quelle soirée j'ai passée hier. Non. Vous vous souvenez que Valérie m'avait laissé un message qui m'avait intrigué? Oui. Eh bien, je l'ai recontactée et elle m'a invité à venir le voir. Je suis donc allé le voir vers 20h dans son nouveau logis, un pavillon de Savigny-sur-Orge. Ah, bordel de banlieue, ils y ressemblent tous, ces putains de bungalows. Ça doit être là, il y a des nains dans le jardin. Ah non, merde. Qu'est-ce qu'il y a marqué au-dessus de la sonnette? Foutez le camp, vous êtes chez Didier Porte, vous n'êtes pas les bienvenus. Ah, c'est bien du Didier, ça. Voyons à côté. Ah, rien de marqué. Bon, je vais sonner quand même. Immortel, immortel. C'est pas vrai, depuis l'Académie française, il perd la boule, le vieux. Ah, d'où Jésus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Yo, frère Helmut. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Qu'est-ce que tu fous avec le crâne rasé et une tunique à fleurs? Ben voilà, j'ai monté une petite communauté. Quelques camarades, ils vivent tous ensemble ici, dans la paix et l'amour. Ah, toi, tu nous as encore fait une petite attaque récemment, hein? Pas du tout, brother. Depuis que je suis immortel, je suis tout pisse. Tiens, tu veux dire une latte sur mon spliff? Oh, mais je rêve, c'est le bordel! Allez, suis-moi, je vais te montrer ma nouvelle vie. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces clodos allongés par terre? Calme-toi, ce sont mes frères de communauté, Helmut. Ah! Nom de Dieu! Par les couilles de Kaiser! C'est qui la bonasse à poil qui mange une plante allongée dans le hamac? C'est ma meuf, c'est Chéverine Ferrer. Déchire grave, non? Ouh, le paquet! Tu peux te la faire si tu veux, c'est open comme communauté ici. Ouais, c'est sympa, mais j'ai peur qu'elle se mette à me parler du Dalai Lama. Je vais plutôt aller voir la grosse là-bas qui porte un masque et qui danse en se caressant les cheveux. Salut le bovin, ça roule? Ça te dérange pas si je danse à côté de toi? Bon, je vais retirer mes vêtements, je serai plus à l'aise. Et voilà! Oh, on a quand même eu un poil pour exprimer ses mouvements de... Regarde, de bassin. Je suis sûr que c'est un visage d'ange qui se cache derrière ce masque de cochon. Ouais. Bon, dis donc, ça swing terrible, hein, ça balance grave, tu veux dire? Allez, viens, frotte à moi la grosse. Oh, oh, oh, oui, oh, oh, oh, encore. Allez, vas-y, enlève ce masque, mon Dieu. Non, mais d'où Jésus, ce n'est pas un masque! Helmut, permettez-moi de vous dire, on forme un très joli couple, hein, Régine. Bref, à part l'épisode de Régine qui m'a coûté ma dignité et 3 litres de vomi, j'ai passé une soirée incroyable. Bon, je vous laisse, je dois aller acheter de l'encens. Ah, je reçois Valérie et ses amis ce week-end. Oh. Je crois que je vais inviter Jean-Paul. Ils ont un shit terrible au Vatican. Allez, au revoir.